Merci de choisir la radio Isangaliyo pour vous informer. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici d'abord les principaux titres. Une peine à perpétuité, le paiement de 30 millions de francs burundais d'indemnité sont parmi les peines requises par le tribunal de grande instance de Bubanza contre trois hommes accusés de meurtre avec préméditation. Vous aurez les détails. Trois semaines et le délai qui a été donné à la commune de Lumongue pour établir comment les veilleurs au marché central de la ville de Lumongue vont être payés. Ça fait trois mois que ces derniers ne perçoivent pas de salaire. Notre correspondant à Lumongue nous fera le point. Et puis, en commune Gitega, les toitures de cinq salles de classe du lycée des Amis de Kwibuka ont été emportées par une pluie torrentielle mêlée de vent violent de ce vendredi. Le directeur demande assistance. C'est un reportage à suivre dans cette édition. Mise en onde par Anselme Ilambona à la présentation d'Oreb Ingabire. Les détails, c'est dans un instant. Bienvenue encore. Une peine à perpétuité, le paiement de 30 millions de francs burundais d'indemnité ainsi que le saisissement de leurs biens matériels, telle est la condamnation infligée à trois hommes accusés de meurtre avec préméditation commis le 12 de ce mois de septembre par le tribunal de grande instance de Bubanza. C'était lors d'un procès de flagrance de ce vendredi. Parmi les trois accusés figure le frère de la victime qui avait 75 ans. Celle-ci a été coupée la tête et enterrée dans un champ sur la colline Lugunga, en commune Gihanga de la province Bubanza. Je venais de vous le dire dans les titres, un délai de trois semaines à partir de ce 21 septembre a été donné à la commune Lumongue pour planifier le paiement des salaires des veilleurs au marché central de la ville de Lumongue qui totalise trois mois sans percevoir de salaire. Léonard Niyonsaba, gouverneur de la province Lumongue, a formulé cette recommandation après que le commissaire de ce marché lui a récemment soumis cette question lors d'une réunion. Jean-Pierre Misago pour plus de détails. Parmi les questions soumises au gouverneur de Lumongue lors de cette réunion, Deon Louimana, commissaire du marché central de la ville de Lumongue, a évoqué celle des veilleurs à ce marché qui vont bientôt totaliser trois mois sans percevoir leur salaire. Au début, quand la commune Lumongue a pris en main le paiement de ses salaires, tout se passait normalement. Mais, poursuit Deon Louimana, les 14 veilleurs dont les salaires cumulés s'évaluent mensuellement à 805 000 francs burundais attendent désespérément d'être payés, compliquant leur vie et devraient être pour cela régularisés dans l'urgence. Une autre question soulevée est celle relative à la réhabilitation des portails de ce marché abîmé, une situation qui profite aux voleurs. Ici aussi, la commune Lumongue est interpellée. Réagissant à ces préoccupations, Léonard Niyonsaba, gouverneur de Lumongue, qui présidait cette réunion, donne au maximum trois semaines à la commune Lumongue pour avoir pris toutes les dispositions nécessaires au versement de ses salaires de ses veilleurs. La question de réhabilitation des portails de ce marché détruit doivent être également vidées dans les plus brefs délais, ainsi que l'électrification du petit marché ciseau quartier Bilimba, non loin du marché central, afin que le commerce y soit facilité et également pour que ceux qui y prestent versent des taxes et impôts, faute de quoi ce petit marché sera fermé. Ici, le gouverneur de Lumongue a averti le secrétaire exécutif permanent de la commune de Lumongue présent dans cette réunion qu'il y effectuera une descente dans un mois pour se rendre compte de l'état d'avancement de la mise en application de cette mesure. Jean-Pierre Misago depuis Lumongue, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre pour tous ces détails. Parlons agriculture à présent, introduction d'une nouvelle méthode agricole de la production du manioc greffé en commune Kayanza, une innovation d'une des coopératives qui interviennent dans le secteur agricole en zone Kabuye de la province Kayanza. Au niveau de l'administration, on salue cette innovation qui, selon elle, vise à l'amélioration du rendement agricole. Consolate Majambele, conseillère de l'administrateur Kayanza en charge du développement, appelle les habitants de la commune Kayanza à la pratiquer beaucoup pour améliorer le rendement. Le point avec Patrick Nsengiyumva. Les agriculteurs de la zone Kawuye ayant innové cette nouvelle technologie agricole de manioc greffé sont réunis au sein d'une coopérative agricole dite Mbegira Bunini. Quand nous avons rencontré le président de cette coopérative à la colline Kinyamukizi de la zone Kawuye en commune province Kayanza, il nous a indiqué que le manioc greffé donne beaucoup plus de rendements agricoles que d'autres espèces de manioc et appelle la population de Kayanza en particulier et celle burundaise en général de pratiquer cette nouvelle technologie agricole de manioc greffé. Même son de cloche avec Majambele Consolate, conseillère de l'administrateur communal Kayanza, en charge des questions économiques, du développement et des statistiques. Le manioc greffé donne plus de rendements agricoles, où à une seule plante de manioc, on peut y récolter entre 10 et 25 kg de manioc. Depuis Kayanza, Patrick Nsengi va pour la radio Isanganiro. Merci également à toi, Patrick. Page Justice à présent, le président du Comité national des barreaux du Burundi indique que le message adressé aux magistrats par le chef de l'État lors de la rentrée judiciaire sur la corruption et le fait de faire traîner les procès leur concerne également. Il a dit cela ce vendredi dans la capitale politique Gitega lors des cérémonies marquant la rentrée judiciaire pour les deux barreaux près la cour d'appel de Gitega et Bujumbura. Maître Jean de Dieu Mouzengue a souligné que le Comité national des barreaux qui a été mis en place va prévenir les conflits qui éclatent de temps en temps entre les avocats. Écoutez-le dans ses propos recueillis par Arthur Kababouchi. Le chef de l'État a donné un message tenant compte de la manière dont les magistrats travaillent. Le même message pour nous en tant que bâtonniers, en tant qu'avocats, nous prenons ce message comme nôtre parce que nous sommes des acteurs de la justice comme ces magistrats, ceux assis tout comme ceux debout. Lorsqu'il y a la corruption, c'est fort possible que des avocats soient dedans. Heureusement, ils sont peu nombreux qui trempent dans la corruption, qui jouent l'intermédiaire entre leurs clients et les juges. Raison pour laquelle nous, en tant que responsables des deux barreaux, que ce message est nôtre. Et nous allons œuvrer de manière à ce que ces conseils soient mis en pratique. C'est-à-dire que nous allons lutter farouchement la corruption. Nous allons faire en sorte que les avocats ne jouent pas le dilatoire pour retarder les procédures judiciaires, pour que les avocats soient de vrais acteurs de la justice et surtout qu'ils contribuent à une bonne administration de la justice. Au cours de la rentrée judiciaire 2023-2024, les deux barreaux se sont réunis pour mettre aussi et commencer la mise en exécution de la nouvelle loi qui nous régit, récemment promulguée par le chef de l'État. Cette loi prévoit la mise en place d'un comité national des barreaux. Et c'est ce comité national des barreaux qui doit être à la tête des deux conseils de l'ordre des deux barreaux existants aujourd'hui. Ce comité national des barreaux a été mis en place. C'est ce comité qui sera responsable de la gestion de la discipline des avocats, de la gestion de la carrière des avocats, de la gestion de la formation des avocats et surtout la maîtrise du tableau pour connaître quels sont les avocats régulièrement inscrits afin d'éviter qu'il y ait des gens qui se font avocats sans toutefois l'être et qui peuvent tromper la population avec l'usurpation de leurs fonctions. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Vous êtes bien à l'écoute de la radio Isanganiro, l'actualité nationale continue. Page environnement, le personnel réduit des gardes forestiers est un défi à la sauvegarde des aires protégées. Propos de Marc Bakondinoa, responsable du parc national de Aruvubo, qui indique que cela diminue la capacité d'assurer la sécurité dans cette aire de moins 50 hectares. La direction générale de l'Office burundais pour la protection de l'environnement reconnaît la situation. Toutefois, Berkimasa Tungimana parle de l'existence d'un projet visant à sécuriser ce parc via une caméra de surveillance. Omer Ndouayo. Ce parc est partagé par quatre provinces, à savoir la province de Karusi, Ruyigi, Changuzo et Muyinga, touchant la frontière burundo-tanzanienne. Il a 50 éco-gardes, un personnel insuffisant, selon Marc Bakundinwari, le responsable. Au niveau du parc de Alvou, nous avons un personnel neuf de 50 gardes forestiers qui puissent patrouiller tout le parc de Alvou. Et ce personnel est tellement insuffisant pour bien patrouiller. L'Office burundais pour la protection de l'environnement tranquillise Berkman Clémence Hatungimana, le directeur général, précise qu'une caméra de surveillance va bientôt être installée pour renforcer le travail de sécurisation de ce parc. Cela c'est bien connu. Même si vous êtes dans d'autres services, il n'y a aucun service qui possède un personnel suffisant. Seulement, en guise donc de trouver une solution, nous allons équiper le parc des outils qui sont très sophistiqués et qui vont nous aider à faire donc la surveillance. Ce sont donc des caméras de surveillance qui vont prendre donc des photos et les envoyer à une centrale qui sera installée à Gassave, c'est à la sortie du parc à Muyinga. Une fois donc les caméras envoyées, donc les photos d'un malfaiteur qui passe dans ce parc, nous allons faire recours aux forces donc de l'ordre et de sécurité pour qu'on puisse donc traquer ce malfaiteur du fait qu'on va avoir une localisation bien précise de là où il se trouve. Une autre question soulevée par le responsable du parc de la Ruvubu concerne le manque d'équipement chez les gardes forestiers. Il arrive des fois qu'ils peuvent se retrouver face à un groupe de braconniers bien armés avec des lances, des machettes, et nos gardes forestiers en patrouille, ils partent avec des bâtons, ce qui est tellement difficile. Comment on peut arrêter quelqu'un qui est armé avec un bâton? Et nous demandons au notre gouvernement, notre ministère, quand même qu'on puisse nous équiper comme les autres gardes forestiers qui travaillent dans les aires protégées des autres pays limitrophes du Burundi. Quand on essaie de regarder au niveau de la Tanzanie, Rwanda, le personnel qui font le gardiennage des aires protégées, ils sont bien équipés avec des armes. Ici, Berkiman Satungimana, le directeur général de l'OPPE, explique que les éco-gardes sont des civils qui n'ont pas droit au fusil. Ce que nos éco-gardes donc possèdent, donc, ce sont les outils de coutume, les serpents, les machettes, tout ça. C'est ce qu'ils donc ils utilisent pour leur permettre donc de se protéger, que ce soit pour les animaux, que ce soit contre les braconniers. Mais la loi burundaise n'autorise pas les civils donc de détenir donc les armes. Les principales activités nuisant le parc national de la Ruvubu, qui compte 44 espèces d'animaux, sont liées à la chasse. Omer Douayou, les toitures de 5 salles de classe du lycée des Amis de Kwibuka en commune et province Kitega ont été totalement détruites et emportées par une pluie torrentielle mêlée de vent violent le soir de ce vendredi. Le directeur de cet établissement demande l'intervention de toute âme charitable. Quant au directeur communal de l'éducation à Kitega, il conseille au directeur des écoles de songer à protéger leurs écoles maintenant que les services habilités ont déjà annoncé que cette saison pluvieuse connaîtra des précipitations trop abondantes. Gérard Nibigira. Le directeur du lycée des Amis de Kwibuka, M. Igiraneza Jean Bosco, déplore ce qui est arrivé à son école. C'est vraiment horrible de voir à 5 salles de classe endommagées par le vent. Mais maintenant, nous sommes à l'œuvre, nous sommes en train de réparer quelques dégâts pour voir si lundi les élèves peuvent se rendre en classe. Il demande une intervention des bienfaiteurs. Puisque ces travaux de réhabilitation vont nous coûter cher, l'école en somme n'est pas capable de réhabiliter ça. Nous demandons des aides, peut-être aux bienfaiteurs, que ce soit au niveau communal, au niveau de l'église, parce que l'école est sous convention de l'église évangélique des Amis. Sinon, l'école en somme n'est pas en mesure de réhabiliter ces dégâts. De son côté, le directeur communal de l'éducation à Gitega, Ndaya Vugwane Pemisen, dit qu'il ne peut faire aucune intervention en dehors de la transmission du rapport acquis de droit. Et au niveau de la direction communale de l'éducation, il n'y a pas d'intervention financière que nous pouvons faire parce que nos moyens sont limités. Mais nous allons donner le rapport à notre hiérarchie. Nous allons aussi donner le rapport aux différents partenaires de notre commune dans le secteur de l'éducation pour que tout un chacun puisse faire ce qui est possible. Dans les années passées, il y a aussi des cas pareils qui se sont passés et nous avons vu que il y a différents partenaires qui ont intervenu. Il invite les directeurs d'école à protéger leurs écoles. Nous interpellons les directeurs des écoles pour qu'ils puissent vérifier si les salles de classe sont protégées. Il y a des moyens de protéger les locaux. Il y a des moyens qui ne sont pas chers, qui sont faciles à utiliser. Par exemple, il faut qu'ils tracent des courbes de niveau aux alentours de l'école. Il faut qu'ils plantent des arbres pour que ces arbres puisse freiner le vent lorsque la pluie tombe, parce que le service chargé de surveiller et le climat a déjà communiqué que dans ces jours-ci, dans cette année, il y aura beaucoup de pluie et peut-être beaucoup de vent par rapport à ce qu'on a observé dans les années passées. Sachez qu'une salle de classe et une partie du dortoir de l'école voisine, qui est l'école technique secondaire de Kwibuka, ont été aussi endommagées, emportées par le vent violent. Depuis Gitega, Jean Nibigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard. Environnement, toujours pour boucler cette édition. Les perturbations climatiques est un phénomène préoccupant pour le gouvernement burundi parce qu'il est à la fois une cause et une conséquence de la destruction de l'environnement. Prosper Badambanda, vice-président de la République du Burundi, qui l'a dit ce vendredi à Luyigi lors de la célébration au niveau national de la Journée mondiale de l'environnement, appelle les Burundais à lutter contre l'érosion et à faire le reboisement. Correspondant signé Jean-Claude Chimilman. Les perturbations climatiques, la désertification, le phénomène de ravinement de terrain, la déforestation arbustive et herbeuse, y compris celle des plantes médicinales, l'érosion et la disparition de certaines espèces animales, telles sont certaines des conséquences négatives de la destruction de l'environnement, telles qu'est présentée par Prosper Bazombanza, vice-président de la République du Burundi. Selon lui, les perturbations climatiques est un phénomène le plus préoccupant pour le gouvernement burundais parce qu'il est à la fois une conséquence et une cause de la destruction de l'environnement. Ici, il cite notamment le retard des saisons climatiques, les inondations et les pluies diluviennes qui emportent les champs de culture et les maisons. En vue de lutter contre les perturbations climatiques, le vice-président de la République du Burundi mobilise les Burundis à lutter contre l'érosion en traçant des courbes de niveau soutenues par des plantes fourragères, à planter des arbres dans des espaces libres, y compris des arbres fruitiers, et à lutter avec fermeté contre ceux qui abattent des arbres en violation de la loi. Aux orpailleurs et ceux qui font l'extraction du moellon, Prosper Bazombanza leur rappelle qu'ils doivent remettre en état les sites juste après l'exploitation et même y planter des arbres. Tout cela a été dit ce vendredi sur la colline Kazinia en commune et province Ruyigi lors de la célébration au niveau national de la Journée mondiale de l'environnement, une journée célébré cette année sous le thème « Environnement protégé, changement climatique atténué ». Jean-Claude Nshimirimana, Ruyigi, Radio Isanganiro. Et c'est par cet élément que ce journal prend fin. Merci encore pour votre oreille attentive et fidèle. À la présentation, vous étiez avec Doré Bingabide, Anselme Milambona, assuré la mise en onde. Tout de suite, revue de la presse avec Jean Bosco Ndouiman. De la presse. Bonjour, bonsoir. Le chef de l'État burundais, Evariste Ndayishimiye, qui participe à la 78e Assemblée générale de l'ONU, a reçu en audience différentes délégations, y compris celle de l'entreprise américaine SpaceX, écrit Burundi Echo. Cette dernière a engagé des négociations avec les autorités burundaises pour lancer les services de son réseau Internet par satellite Starlink dans le pays. Cette entreprise fournit des services d'Internet haut débit via satellite et elle souhaite travailler avec l'Agence de régulation et de contrôle des télécommunications ARCT en vue d'améliorer la connectivité au Burundi via le projet Starlink, poursuit ce journal, citant le compte Twitter de Nare House. La constellation de satellites en orbite basse de Starlink devrait permettre au gouvernement d'accélérer la couverture de toute la population burundaise en connectivité Internet à haut débit, précise cet hebdomadaire socio-économique. Au CNC, quels sont les péchés d'Iwachu? Lance ce groupe de presse au régulateur des médias au Burundi. Iwachu est de nouveau mis à l'index avec quelques autres médias, dont Bonesha FM, Kazoza FM, RFI. Accuser Iwachu est devenu une tradition du Conseil national de la communication, si bien que cela n'étonne plus d'ailleurs grand monde, écrit l'éditorialiste de ce journal, qui martèle, c'est l'absence d'Iwachu dans les médias mis en garde par le CNC qui serait étonnant, pas l'inverse, ironise les collègues. Mais tout ce que ce confrère demande, c'est de prendre connaissance de ces délits. En effet, hier, aujourd'hui et sûrement demain, notre média n'est jamais informé de ses péchés. Nous ne sommes pas parfaits certainement, mais pour une fois, nous voulons lire noir sur blanc les accusations du CNC, lance son confrère, qui prend l'engagement de rendre publiques les accusations qui leur seront communiquées. diplômé par commissionnement, titre La Voix de l'Enseignant. Parlant des anciens lauréats de l'École normale supérieure ENS, qui n'avaient pas été homologués et réussis à l'examen d'État et qui viennent d'être pêchés par une ordonnance ministérielle. Concrètement, l'ordonnance ministérielle numéro 1239 de ce 22 septembre 2023 érige au grade de licence et ingénieur industriel les premiers lauréats de l'École normale supérieure ENS non homologués et n'ayant pas réussi l'examen d'État ayant subi une formation complémentaire à l'ENS. Dans son article 3, l'ordonnance précitée indique que l'ENS délivre un certificat couronnant la réussite. Ainsi, tel que le stipule l'article 4 de l'ordonnance, la combinaison du certificat et du diplôme de la formation initiale donne droit à l'équivalence au diplôme de licence délivré dans l'ancien système pour les lauréats du département des langues et sciences humaines et du département des sciences naturelles, pour ceux du département des sciences appliquées au diplôme d'ingénieur industriel. Revue de la presse. Sit-in d'une cinquantaine de personnes pour réclamer leurs terres, rapporte Net Press, qui indique que ce sont des rapatriés qui ont fait jeudi un sit-in au centre semencier de Bouzimba, en commune de Rumonge, pour manifester leur mécontentement face à la non-restitution de leurs terres, aujourd'hui occupées par le centre semencier de Bouzimba et gérées par le bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage de Rumonge. Ce journal en ligne précise que ces terres, qui couvrent une superficie de plus de 45 hectares, servent de multiplication de semences et que Léonard Niyonsaba, gouverneur de la province de Rumonge, vient de mettre en place une commission pour tenter une médiation entre les deux parties. On termine cette revue de presse par cette révélation de l'agence burundaise de presse qui écrit qu'une personne a succombé suite à la consommation excessive des boissons très alcoolisées. Selon son confrère, un certain Augustin Abonimana, âgé de 37 ans, a succombé dimanche 17 septembre 2023 au centre de santé de Marembo, en commune Busoni de la province de Kirundo, suite à la consommation excessive des boissons très alcoolisées appelées Karibu et Susuruka. Le médecin directeur de la province sanitaire de Kirundo, Dr Samuel Ekwizera, a indiqué que le défunt qui habitait sur la colline Rwibikara en commune Busoni a parié avec un certain Bayubahe qu'il peut consommer à l'aise ses boissons. Après consommation, sa santé s'est dégradée et c'est après un certain temps qu'il a rendu son âme, précise encore l'ABP. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Jean Bosco Ndouimana. À la prochaine. Revue de la presse.